pour vos différents besoins en électricité. C'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter, que ce soit pour les travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Toute notre équipe félicite Alexandre Gagnon pour sa sélection chez les Stampeders de Calgary. Quelle émotion hier que nous a fait vivre un des nôtres, William Veilleux. Ben, c'est un des nôtres sûrement, parce que moi, je m'en cache pas, c'est ses parents avec moi, c'est mon petit cousin. Quoi qu'il en soit, on va parler avec son entraîneur, Joël Desgagnés-Bouillant. Bonjour, Joël. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, Joël. Est-ce que, je me rappelle qu'on a fait une entrevue il y a environ 3 semaines, tu mettais des bémols face aux attentes. Tu disais, regarde, oui, il y a des chances de médaille, mais il peut arriver toutes sortes d'imprévus. C'est dans un pays du bloc de l'Est, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu mettais des bémols là, face aux attentes. Mais hier, tu as dû être surpris. Je mettais des bémols, mais je savais quand même le potentiel de William, tu sais, parce qu'il faut pas. Tu sais, c'est bien beau pour un coach de dire, OK, on va là, on va tout péter, on va tout ramasser, là, mais tu sais, c'est mieux d'être plus sécuritaire, d'être réaliste, tu sais, d'être terre à terre par rapport à ce qui nous attend. Tu sais, hier, William, il a fait ce qu'il avait à faire, il a eu une journée presque parfaite. Les étoiles alignées pour lui, puis tu sais, sa préparation était bonne, il est pas arrivé de bémol, comme on dit, ça, tu sais, il est arrivé là-bas, ça a bien été, je suis pas au courant, tu sais, de la bouffe, tout. Comment ça s'est passé, mais pour qu'il fasse cette performance-là, ben, il a amené son A-game, comme on peut dire, là. Il n'y a pas rien eu de majeur dans sa journée, à part quelques petites erreurs techniques, là, mais rien de plus, là. Il a vraiment, là, battu ses propres records personnels, battu des records canadiens, puis battu des records du monde pour finir champion du monde de sa catégorie. Ce qui est vraiment exceptionnel. Oui. Lorsque tu parles, Joël, de manger, tu l'avais dit, on est dans le bloc de l'Est, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc le danger était vraiment réel face à ça, là. Ben oui, là, moi, exemple, là, tu sais, je prends moi comme exemple mon parcours d'athlète, je suis pas au courant. William m'a texté v'là 3 jours pour me dire qu'il était un petit peu pesant, tu sais, mais okay. Il n'a pas eu l'air d'avoir la misère à faire le poids, il m'en a pas reparlé, donc on n'a pas eu besoin de se rendre rien de dramatique face à ça, rien de se calmer puis de manger comme il faut. T'sais, le voyage, le fait de voyager, ça fait faire la rétention d'eau, ça fait perdre beaucoup de poids. Fait que mais je pense pas qu'il y a eu tant de problèmes. Mais moi, exemple, quand j'étais allé en Russie, là, on déjeunait avec des saucisses puis des patates puis du bacon pas cuit, là. Ouf. Fait que tu sais, t'es pas dans ton élément, tu sais. Je voulais m'acheter du Gatorade, ben il y avait de la vodka puis de l'eau minérale à l'indépanneur, là. Fait que tu sais, tu peux pas, t'es pas chez vous, c'est pas les mêmes mœurs, c'est pas les mêmes habitudes, là. J'essaie de me trouver un taxi pour y aller, puis le monde avait peur de nous autres parce qu'on parlait anglais, fait qu'ils se sauvaient. Ouais. Fait que tu sais, c'est jamais, mais moi je pense que là, la Biélorussie, ce qui a été, je pense que c'était beaucoup plus civilisé, là. C'était une grande ville, premièrement, là. Fait que je pense qu'il y a eu un beau spot pour faire sa compétition, là. La venue avait l'air vraiment de luxe, là. C'était comme une espèce de gros centre, là, complètement adapté pour ça, là. Fait que je pense que c'était pas un championnat du monde de touristes, comme on dit. Okay. C'était vraiment organisé en professionnel. Puis là, il y avait son entraîneur qui parlait pas français aussi. Ça l'aidait pas non plus, là. Oui. Quelque part, là, oui, c'est des thèmes de sport, c'est des thèmes semblables quand même, là. Tu sais, mais il reste que la communication est pas 100% non plus, là. Tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pour ça, c'est encore plus important d'avoir un plan vraiment bien établi. Fait que moi, c'est tout moi qui avait envoyé le plan à son coach. Fait que tu sais, c'était très clair ce qui était marqué, puis il a suivi le plan de A à Z. Fait que dans ce temps-là, je me dis, Colin, au moins ça va pas que j'ai pas fait ça pour rien. Le plan a été respecté de A à Z. Là, du premier essai au dernier essai, là, tous mes essais que j'avais ciblés ont été exécutés. Fait que ça, c'est sûr que ça aide, parce que moi, je connais la progression de l'athlète, j'ai vu ce qu'il a fait à l'entraînement. Si t'arrives avec un petit coach Team Canada, ces coachs-là, ils ont environ 30 athlètes pendant une semaine, là. C'est quasiment un job de robot, là, tu sais. Puis c'est très ingrat, parce que tu peux pas faire d'erreur. Fait que tu prends une mauvaise décision, tu connais pas ton athlète, tu sais pas trop comment il réagit sous le stress, ben oui, effectivement, c'est un scénario pour prendre des mauvaises décisions, mais je pense que C'est Avi Silverberg qui s'appelle le coach, un coach Albertain. Il me connaît bien, puis tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble, on est des bons amis, puis il me faisait confiance est-ce que, là-dessus. Est-ce que c'est. Comment ça fonctionne? Puis après ça, on va y aller sur la compétition d'hier, puis on va développer davantage. Pourquoi c'est pas toi qui es allé? C'est-tu parce que toi, tu as des obligations professionnelles ou c'est-tu simplement c'est la fédération? Parce que me semble que rendu là, ça doit être le coach qui connaît parfaitement William, qui doit être avec. Comment ça se fait? Oui, mais ça marche pas exactement comme on pense que ça fonctionne. Premièrement, c'est un sport amateur, donc le financement pour être coach, là, c'est si moi j'aurais voulu être assistant coach, il aurait fallu que j'applique trois mois avant le championnat. Puis tu sais, moi ça m'intéressait pas parce que tu sais, c'est un voyage qui est très dispendieux, donc c'est pas un voyage qui est couvert à 100%. OK. Deuxièmement, avec les championnats canadiens cette année que j'ai organisé, je pouvais plus me prendre de congé à mon travail, fait que j'étais déjà ma banque de congés était déjà écoulée. Puis dernièrement, je compétitionne moi-même dans deux semaines à Orlando, fait qu'il était hors de question le championnat nord-américain. Fait qu'il était hors de question que je m'en aille coacher au Belarus. Aller me taper 40 heures de vol pour revenir m'entraîner. Non, ça n'a aucun bon sens. Fait que, tu sais, une année, il faut que tu fasses des choix. Puis là, cette année, je pouvais pas y aller. C'était trop compliqué. Okay. De toute façon, si j'y avais été, j'aurais moi-même compétitionné. Fait que j'aurais été qualifié pour y aller aussi. Dans ma catégorie, il y a personne qui s'est présenté dans les 93 kilos. OK. Fait que c'est de là les raisons. Mais il y a vraiment un comité qui évalue qui va coacher les athlètes de Team Canada à chaque compétition internationale. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les sports olympiques, c'est comme ça. T'as un coach d'équipe. Normalement, il y a une bonne communication avec les athlètes à partir de l'avance. Il n'est pas supposé d'avoir, tu sais, d'erreurs majeures, mais c'est sûr que quand des athlètes francophones sont avec des coachs ça n'est pas non plus. Comme exemple, l'année passée, c'était au Texas, là, j'ai été coaché Jessica Benedetto puis Camille Tremblay, parce que là, c'est sûr que ça facilite la communication. C'est des erreurs, ça peut arriver. Là. Ah oui. Quand t'es pas capable de parler, ça va pas bien. Joël, si on parlait un peu de William hier, est-ce que le fait qu'il est en deuxième, qu'il a vu English, parce qu'on l'a tout vu à la télévision, c'était diffusé sur YouTube en passant en direct, là, le fait qu'English était en avance de lui et que William a passé en deuxième, est-ce que ça a été un avantage pour William? Ça a été un énorme avantage, parce que tu as le dernier mot, tu sais. Au deadlift, on dit William, il a bénéficié de deux avantages qu'il faut comprendre, tu sais, niveau stratégie que personne sait, que très peu de gens savent. Lors du tirage au sort, quand on fait le tirage au sort avant la pesée, c'est le programme informatique qui fait ça, chaque athlète est assigné un numéro. William, son numéro était plus haut que celui-là de English. Mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes concrets, c'est que quand il va se peser, si ton chiffre est bas, tu passes avant celui-là que le chiffre est le plus haut. Mais quand tu arrives au deadlift, si la charge que tu mets est la même, ce qui est exactement arrivé pour William puis English, tu passes après. C'est lui qui a le numéro de tirage au sort le plus haut qui va avoir le dernier mot pour passer. Fait que c'est ça, fait que ces deux premiers essais, ils mettaient la même charge. Donc au troisième, là, tu sais, on voyait bien que lui, English, puis comparé à lui, il jouait safe, il avait moins de gaz, là. Ouais, c'est ça, lui, il a pas eu le choix de jouer essayer de garder le jouer safe, comme on dit là, en bon français. Il fallait qu'il reste safe. Fait que tu sais, il a guessé qu'avec 252,5 kilos, ben il serait capable de garder sa victoire. Fait que William, lui, ben il faut que le coach donne l'essai, changer l'essai à la dernière minute pour qu'il fasse 258 pour combler l'essai, pour combler l'espace de 0,5 kg. Puis là, normalement, il était chanceux parce que William, si ça avait pas été un record du monde, son dernier essai, il aurait fallu qu'il fasse un bond de 2,5. Donc, il aurait fallu qu'il fasse 260,5. Mais semble-t-il qu'il aurait été capable de le faire. Moi, je parlais avec Carole. Ben oui, c'est sûr. Regarde, on a vu la vitesse. Probablement que 260 aurait passé. Là, c'est pas ça que je dis, mais c'est quand même rendu là, 2 kilos de plus, tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, c'est vraiment extrêmement, extrêmement serré rendu là. On vit dans le scénario. Puis là, moi, dire, il l'aurait eu, ben non, tu sais pas. Les Canadiens auraient-tu gagné la Coupe Stanley si Piqué Souben arrêtait là, on le sait pas. C'est du scénario, comme on dit. Effectivement. Mais il a vraiment fait ce qu'il avait à faire. Il avait 258 à tirer pour faire son record du monde. Il l'a fait. Puis puis il l'a fait pas facilement, mais avec brio. OK. Le lever de terre, est-ce que c'est sa force? Parce que Harold me disait que c'était la première fois qu'il faisait. Est-ce qu'on peut, des trois disciplines là, qu'on a vu hier de William, est-ce que c'est sa force? Ben, quand tu as un record du monde dans une discipline, normalement, si c'est pas ta force, là, je suppose que tu es fort, là, mais là, quand tu as un record du monde, ça veut dire que tu es vraiment assez fort dans cette discipline-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu quand même, ça peut être une bonne journée dans le fond. Ben, c'est une très bonne journée. Ouais. Regardez les résultats. Là. Les résultats parlent. Okay. Il y a une médaille d'or au squat. William a monté son squat de 17,5 kilos en 12 semaines, ce qui est vraiment énorme. Bon, comparé au reste de sa progression, ça c'est le point tournant de sa planification. Je me donne pas crédit, mais tu sais, je l'ai aidé beaucoup à changer sa technique au squat. Mm-hmm. Il est passé d'un squat de style olympique à un squat plus style powerlifting. On a baissé la barre dans son dos. Il utilise beaucoup son dos pour lever la charge. Ça fait que ça l'a aidé terriblement, là. Tu sais, c'est une petite erreur technique parce que à son deuxième essai, ça aurait été supposé d'être dans la poche, puis ça aurait été supposé être 225 qui aurait été fait. Puis ça lui a donné une médaille d'or au squat, chose qu'il aurait jamais pensé être capable de faire là, 12 semaines avant qu'il me rencontre. Okay. Fait que, tu sais, le point tournant de sa planification, pourquoi William a gagné championnat du monde, c'est parce que son squat s'est amélioré de 17,5 kilos. C'est ça la réponse. Son bench est resté, s'est amélioré un petit peu. On a joué safe au bench. Ils ont fait un essai conservateur pour être sûr de ne pas réduire l'écart. Puis ça a forcé l'Américain à faire un 142 qui a raté. Donc, William a regagné un 5 kilos. Là. Fait que ça l'a. C'est être opportuniste aussi. Là. Ouais, c'est pas de trop prendre des risques, c'est de profiter des erreurs des autres. Et bien gérer la pression. D'un championnat du monde, c'est extrêmement important. Là, gérer la pression dans un cas comme ça. Oui. Je pense que gérer la pression, il n'y a aucun problème avec ça. Lui, il a envoyé du stress, plus il y en a, plus ça marche. Ça, okay. Ces gens d'athlètes-là. Gérer la pression, là, moi, ce lot-là, c'est sûr que c'est pas son problème. Là. Il y en a que gérer la pression, c'est vraiment problématique. Mais lui, quand t'es champion du monde, là, ben, c'est une preuve que tu marches à la pression. Moi, c'est un gars qui marche à la pression aussi, puis c'est pas tout le monde qui est capable de performer, de stepper up quand c'est le temps. Dis-moi maintenant, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Jusqu'où il peut aller, ça dépend de lui. Ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu ta déclaration ce matin dans le quotidien, tu dis depuis 6 semaines, depuis le championnat canadien, c'est un gars transformé. Et est-ce qu'il a développé à fond son potentiel jusqu'à où qu'il peut continuer? Non, son potentiel est loin d'être développé parce que William, il compétitionne à 163 livres présentement, ce qui est une très petite catégorie. Donc c'est sûr que moi je pense que le futur pour William, ça va être de tomber à 183 livres. Là, sa première année junior, c'est sûr que là, ça va être un petit peu plus dur de rentrer de sub-junior à junior, mais encore là, il y a jusqu'à 24 ans pour performer. Fait que là, c'est la prochaine année, c'est une année d'adaptation, puis même ça va être une année de performance encore. Là. Il va s'adapter, je suis sûr, très rapidement au niveau de compétition. Puis je suis même pas inquiète pour lui qu'il va devenir très bon. Peut-être qu'il reste encore un an 74. Ça va dépendre de sa croissance. C'est quoi son corps il dit. T'sais, il n'a pas eu de la misère à faire le poids à 74. Je pense que s'il augmente ses calories un petit peu, je pense que ça va se mettre à grossir assez facilement. OK. Dis-moi. Mais c'est ça. Oui. C'est, on peut pas dire où ce qu'il va être dans 2 ans, où ce qu'il va être dans 3 ans. T'sais. Il a le potentiel d'aller super loin. La balle est dans son camp. C'est le temps qu'il va parler. OK. Dis-moi maintenant, pour les jeunes, les néophytes, là, il y a beaucoup de monde qui ont. Je me laissais te poser la question. Il y a les néophytes. C'est quoi la différence entre l'haltérophilie et la dynamophilie? La fameuse question, l'haltérophilie, la dynamophilie. En haltérophilie, premièrement, c'est un sport olympique. L'haltérophilie est un sport financé par le gouvernement du Canada, donc il y a des athlètes qui sont cardés dans ce sport-là. Ça, c'est bien important de le savoir. Nous autres, on est un sport amateur. On est dans le même programme antidopage que l'haltérophilie, mais on n'est pas un sport financé. Les meilleurs athlètes ne sont pas payés pour s'entraîner. Okay. Premier point très important. Deuxième point, l'haltérophilie, c'est un sport avec des levées qui se fait au-dessus de la tête. Donc, il y a l'arraché, le mouvement se fait au-dessus de la tête. L'épaulé jeté, c'est un mouvement qui se fait en poussée verticale aussi. Nous autres, on n'a aucune poussée verticale. C'est des mouvements qui se font horizontalement ou encore submersifiés. C'est pas des mouvements de poussée, tout simplement. Okay. Aussi, que troisième affaire bien importante à savoir, c'est que c'est un sport de force maximale, la dynamophilie, tandis que l'haltérophilie, c'est un sport de puissance. donc de force-vitesse. Qu'est-ce que ça différencie entre les deux? C'est que la force maximale, le lever peut être très flou. OK. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, mettons, un squat, tu vas descendre, tu vas monter, quand même que tu vas quasiment poser dans le milieu, puis redécoller, puis tu sais, te mettre à shaker, puis finir, ton lever va être bon. Tandis qu'en haltérophilie, tu sais, tu peux pas presque réussir un épaulé jeté. Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Okay. Ça rentre ou ça rentre pas. Fait que c'est vraiment l'explication simple que je peux donner pour différencier ces deux sports. OK. Dis-moi, la dynamophilie, ça s'est développé pas mal comme sport. Ça se pratique, Harold me dit, dans 60 pays à peu près, dans environ 60 pays, la dynamophilie. Est-ce que c'est un sport qui est appelé à grandir? Ça fait quand même, ça a quoi à niveau historique? C'est un sport qui, avant de dire qu'il est appelé à grandir, il faut juste mentionner que la dynamophilie a triplé de membership dans les trois dernières années. Okay. Donc, c'est un sport en expansion extrême présentement. OK. Puis ce boom-là, c'est dû à deux choses. L'arrivée du sport du CrossFit qui a ouvert énormément les portes à la division classique de l'entraînement en dynamophilie et aussi à l'arrivée de la division classique qui n'existait pas avant 2013. Donc, la division classique, avant, c'était juste une division équipée qu'il y avait dans le PF. Mmh. Donc, c'était de l'équipement, des bandages autour des genoux, des combinaisons spéciales de squat, de bench. Donc, c'est un sport vraiment différent. On a comme deux sports dans un sport, finalement. OK. Je lisais sur les médias sociaux et hier, je googlais aussi la différence. J'essayais de savoir de dynamophilie et haltérophilie. Et il y en avait un qui disait sur un forum que c'était plus difficile. Il y avait plus de danger d'avoir des blessures en dynamophilie. Est-ce que c'est vrai? Moi, si c'est pas backé par des études scientifiques, là, je peux pas dire que c'est vrai. Non, mais ce que je peux dire, par exemple, je sais qu'il y a des études scientifiques, la dynamophilie, par période de pratique de 4 heures, c'est un sport à très haut risque de blessure, si on compare à un autre sport. Effectivement, parce que on est poussé à aller à utiliser des charges maximales. Puis c'est pas n'importe qui peut être bon en dynamophilie. Ça, c'est bien important de comprendre. Plus tout le monde peut faire la dynamophilie, mais pas n'importe qui peut exceller, comme pas n'importe qui peut exceller en haltérophilie. Ça prend des qualités physiques vraiment particulières. Donc, si elle veut pas dire qu'un gars qui est bon en haltérophilie peut être bon en dynamo, puis quelqu'un qui est en dynamo peut pas être bon en haltéro, c'est ça? C'est sûr qu'il va être bon, mais ça veut dire qu'il pourrait exceller, vraiment devenir un athlète d'élite? Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'haltérophiles qui sont extrêmement forts. Il y a vraiment des haltérophiles au squat qui font des records du monde en entraînement sur une base assez régulière. Là. Fait que ça existe. Là. Si je prends, par exemple, les Chinois, les petites catégories, là, les records du monde de squat, eux autres, ça lui fait pas peur. Là. C'est vraiment des gens qui s'entraînent deux fois par jour, 6 à 7 jours par semaine. C'est différent. Là. Nous autres, en dynamophilie, c'est très rare qu'on va aller besoin beaucoup plus de repos. Là. Des sessions deux fois par jour, 6 jours semaine, on voit pas ça. Là. Ou extrêmement rarement. OK. Ben, Joël, félicitations. Je pense que William, évidemment, on était tous fiers, mais quelque part, il y a un travail qui a été fait d'entraînement. C'est sûr que William a beaucoup de mérite, mais il faut qu'il soit bien encadré, bien préparé. Puis je pense que tu dois prendre, quelque part, les félicitations également de la part de tout le monde de Dolbo. Si on est pas mal fiers de tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme je le dis et je le redis, moi, je suis un outil dans son coffre à outils, tu sais, c'est ce qui fait, lui, il délivre la performance, puis il succède. Moi, j'ai donné les outils pour se rendre là. C'est lui qui a levé les charges. Ah non, c'est carrément lui, là. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Ouais. Ben, Joël Bouliane Desgagnés, un gros merci, on va s'en reparler sûrement un jour. OK, merci beaucoup. L'entraîneur de William Veilleux, Joël Bouliane Desgagnés.